Let's check the microphone. Whoa. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tom. Tom, il a... Tom, c'est le roi de l'Eurovision. Tom, attention, singer pour Eurovision. Casse-couille, casse-couille, Ben.